Eh bien bonjour à vous les amis, vous êtes bien sur Fadjet94.2 pour l'émission Call to Be Love. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien les amis. Aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle émission reggae, où je vais vous présenter 8 artistes fabuleux comme Melo Mode, Redan, Chancy, Conscience, Kazam Davis, Tomahawk, sans oublier Dambala et Blacko. Allez les amis, commençons avec le premier groupe qui s'appelle Melo Mode. C'est un groupe italien et la chanson qu'ils vont nous interpréter s'appelle Dance in a Babylon. C'est parti. We get rid of them soul, only them control the table. More fire, every bun, bun, bun. Melo Mode clear for the people, they're not clear. Dance in a Babylon, until it's thrown a fall. I deny you see teachings of the Rasta man. Back in the yard, living gets so hard. Never play the game of a politician. Dance in a Babylon, until it's thrown a fall. I deny you see teachings of the Rasta man. Voilà mes chers Rasta, c'était Dance in a Babylon de Melo Mode. Allez, je vous propose qu'on continue avec un chanteur très talentueux qui se nomme Redan. Il est âgé de 42 ans et il est né en Seine-et-Marne et il va chanter la chanson Ulysse. Allez, c'est parti. Heureux qui comme Ulysse

Say him love it, him not write it, in a join up. Sacks of money, him just a give me fee a pile up. Say you annoying, girl, you come in like sinus. You know see how me sexy and me have a little cute face. Nothing them not have over me. Some girl watch me style and a chat, but a time them a waste. Nothing them not have over me. If a girl have her man, me no care. If it take a girl man, me nah no fair. Me will take him anytime, anywhere. When me see don't find the wood like a cheer, boy. You know see how me sexy and me have a little cute face. Nothing them not have over me. Some girl watch me style and a chat, but a time them a waste. Nothing them not have over me. If a girl have her man, me no care. If it take a girl man, me nah no fair. Me will take him anytime, anywhere. When me see don't find the wood like a cheer, boy. Eh bien voilà les amis, c'était Shensi. Allez, pour continuer cette émission, je vous propose qu'on passe à un chanteur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, qui s'appelle Conscience. Je vais vous faire découvrir l'une de ses chansons qui se nomme Turn Me On, et j'espère qu'elle va vous plaire, les amis. Allez, c'est parti, Miras. Gala, you are doing tawa. Tell me if I love your love drama. Body hot so volcano lava. But your heart cool like ice water. You feel wine faster. Yeah. Turn up the tempo in there. Close to me like we are make love in there. Everything you say and everywhere you move and everything you do. Turn me on, turn me on. Turn me on, turn me on. Turn me on, turn me on. Turn me on, turn me on. Turn me on, turn me on. Voilà les amis, c'était Turn Me On de Conscience. Poursuivons maintenant avec un autre chanteur qui se nomme Kazam Davis. La chanson se nomme 400 Years. Je vous laisse écouter et on se retrouve après mes Rasta. Yeah man, the time is clear, you know. I tell you again and again, you know. Ethiopia and I defend. It's written and said, you know. Alright. Bim! Wait. 400 years in a Babylon. In a Babylon, take us out of captivity. yeah, man. 1, 2, 3, move swift, yeah, man. You na see the waste and sink well, sinking sand. Mama Africa, me say you don't know the plan. Calling a mathematician, architect who can draw plan. Woman with equality of distinction. Come together now, because the whole of we are one. 400 years in a Babylon. 400 years in a Babylon. Take us out of captivity. Come quick to the motherland. 400 years in a Babylon. Watch your man. To solve the problems in this world, I need a magical one. Unconditional love unto your sister, brother, man. Togetherness is key, it's a true progression. You got to know where you're yarding, yes, and where you come from. With all the diamonds in this world, it's not gonna make you better than the man. We pure, the man, we clean, cause we are going as a Zion. Organize and centralize and heal a conquering lion. 400 years too long, alright. 400 years in a Babylon. In a Babylon, take us out of captivity. Come quick to the motherland. 400 years in a Babylon. Watch your man. What a joy it would be when we unite as one. No fussing and no fighting, no more separation. Oh, can we ever build a future for the children? And we still a linger in a Babylon. We got to yard home to the promised land. We got to yard home where the king come from. Oh, that take us somewhere life it has begun. We there too much a linger in a Babylon. 400 years in a Babylon. 400 years in a Babylon. Take us out of captivity. Come quick to the motherland. 400 years in a Babylon. Yeah, to the. Ah là là, man, ça c'est un bon son les gars, yeah man. Ah là là, j'ai kiffé, j'espère que vous avez aimé aussi hein, d'ailleurs, hein, que vraiment ça c'est un bon son comme nous on l'aime. Allez, l'artiste fin se nomme Tomahawk, il va chanter la chanson Révolution, et vous allez voir ça c'est un bon son aussi. Enfin en tout cas, j'espère que vous allez aimer. Allez mes Rasta, on se retrouve juste après. Terre dans nos têtes comme un vent de révolution. On nous gratte, nous exploite et après on nous parle d'évolution. Il est Michael Young, j'ai des lyrics plein la tête. J'ai mal au cœur et mal aux yeux quand je vois l'état de la planète. Qui sont les vrais mafieux et qui coulent sous les dettes. Qui comptent les euros et qui ne sait plus où les mettre. Fais mal être pour ceux qui n'ont plus rien. Tiennent aux branches pour tous les gens en chien. C'est ma lettre à ceux qui se battent tous les jours. Longue est la route et la route, on en trouve le bon parcours. Ils font des guerres, tout le temps des guerres pour de la thune. Juste avant de faire péter la terre, ils partiront sur la lune. Ils font des guerres pour du pétrole, de l'uranium. Pour leur business, vendre des armes sans jamais penser à l'homme. Ça saurait si aller voter changeait les choses. On nous mène en bateau, nous montre les problèmes et pas les causes. Ça saurait si les politiques donnaient leurs promesses. Je prends les mics à qui en veulent nous balancer un SOS. Billy Mike Hagen, j'ai des lyrics plein la tête. J'ai mal au cœur et mal aux yeux quand je vois l'état de la planète. Qui sont les vrais mafieux et qui coulent sous les dettes. Qui comptent les euros et qui ne sait plus où les mettre. C'est ma lettre pour ceux qui n'ont plus rien. Qui se tiennent aux branches pour tous les gens en chien. C'est ma lettre à ceux qui se battent tous les jours. Longue est la route et la route, on trouve le bon parcours. Je me bats pour les mineurs. minorités pour que les droits de l'homme soient appliqués. M'a dû tuber à la fuite, ici passe, on n'a pas la moindre idée. On cherche à nous diviser à la manière civilisée. Nous disons un tissu de tise aux journaux télévisés. Maintenant ils appellent les guerres maintien de la paix. Nous on veut la vérité, pas la leur, mais la vraie. Et nous on se réveille, on n'écoute plus tous ces faibles. Ça fait longtemps qu'on a décidé de ne plus se laisser faire. Billy Michael Young, j'ai des lyrics plein la tête. J'ai mal au cœur et mal aux yeux quand je vois l'état de la planète. Qui sont les vrais mafieux et qui coulent sous les dettes. Qui comptent les euros et qui ne sait plus où les mettre. C'est mal-être pour ceux qui n'ont plus rien. Ils se tiennent aux branches pour tous les gens en chien. C'est mal-être à ceux qui se battent tous les jours. Longue la route et la route tourne, donc trouve le bon parcours. Ils règnent sur la terre dans nos têtes comme un vent de révolution. On nous gratte, nous exploite et après on nous parle d'évolution. Ils règnent sur la terre dans nos têtes comme un vent de révolution. On nous gratte, nous exploite et après on nous parle d'évolution. Sonnette d'alarme de la nourriture à la médecine. Sonnette d'alarme, on a mis du poison dans ma cuisine. Sonnette d'alarme à l'école et à l'usine. Pour les youthems qui arrivent sur mes signes. On dit tu t'enrichis. Quand je vois comment l'État agit, on se croit du temps enrichi. Paye tes dettes, tes impôts, tes factures. L'État se fera des mauvais souvenirs et longtemps que ça dure. J'ai mis les Michael Young, j'ai des lyrics plein la tête. J'ai mal au cœur et mal aux yeux quand je vois l'état de la planète. Qui sont les vrais mafieux et qui coulent sous les dettes. Qui comptent les euros et qui ne sait plus où les mettre. C'est mal-être pour ceux qui n'ont plus rien. Ils se tiennent aux branches pour tous les gens en chien. C'est mal-être à ceux qui se battent tous les jours. Longue et la route tourne, on trouve le bon parcours. C'était Thomas Walker. Allez, continuons à présent avec notre avant-dernier chanteur qui s'appelle Dambala. Il va nous interpréter la chanson Zimbabwe, vous allez voir. Je suis sûr que vous allez adorer. As it was when Jah made our land, so shall it be at the end, with a peaceful village and children playing around. They came 400 years ago into our village. They took our people, they also stole our wealth. Crucify Smith. Foster and take back and see me up. Crucify Smith. Ah. Crucify Foster and take back and see me up. Ships coming in from day to day, taking all the brothers them away. They took my mother and father and sister too. They started up from the south, worked their way up to the north. El Selassie, I took back the north. We're still fighting for the south, and so we are singing, yeah. Crucify Smith and take back Zimbabwe. Crucify Smith and take back Namibia. Crucify Foster and take back Tanzania. Crucify Smith and take back Zimbabwe. Crucify Smith, we got to take back Namibia. Crucify Foster and take back Tanzania. Eh bien voilà les amis, c'était Dambala Zimbabwe. Allez les amis, pour finir, notre dernier chanteur s'appelle Blacko. et la chanson s'appelle Vie la vie. D'avancer, trouver ses propres véritables repères. Ah, avancer, avancer. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, yes. Boring music, encore un chant consciousness. Pour passer le message en déboulant vitesse. Si t'as des choses à concrétiser, des espérances, tu connais déjà les convictions, tout ce genre de choses. Hein? Pas tout le monde de faiblir et de se laisser aller, de craquer sous la pression, de même vouloir définitivement s'en aller. Combien de frères et sœurs ont précipitamment mis fin à leur jour, à cause d'un enterrement, d'un endettement ou d'une histoire d'amour. La vie est une épreuve qu'il faut savoir surmonter. Le soleil et la lune en sont la preuve. Il y a un être sur lequel tu peux compter. Crois-le, tu n'es jamais seul, même quand la solitude réveille ta peine. Crois en tes valeurs, écoute ton cœur et vois où cela te mène. Wow, wow, wow, wow. Avance et vis la vie, ne te laisse plus freiner par ce qui te ralentit. C'est le moment de se relever, de faire le tri, de faire le point sur les erreurs pour mieux repartir. Wow, wow, wow, wow. Avance et vis ton rêve, laisse-toi porter par le souffle qui soulève. Et ne laisse personne, surtout pas Babylone, t'empêcher de croire en ce qui fait de toi un homme. Oui. Si un obstacle est sur ton chemin, alors fixe mieux ton objectif. Concentre-toi pour le faire disparaître, efface tout ce qui te semble fictif. Va réaliser les visions, les images, celles qui animent ton être. Ne laisse personne te dire que tu es fou, car ces fous verront un jour peut-être. La vie est une épreuve, mais elle est aussi le plus grand des spectacles. Simplement le jour de ta naissance, c'est le plus puissant des miracles. Lève-toi et lève-toi, bats-toi pour tes droits. L'enfance est dans ce que tu crois, mets de l'amour dans tout ce que tu entreprendras, et Dieu te le rendra. Avance et vis la vie, ne te laisse plus freiner par ce qui te ralentit. C'est le moment de se relever, de faire le tri, de faire le point sur les erreurs pour y repartir. Wow, wow, wow, wow. Avance et vis ton rêve, laisse-toi porter par le souffle qui soulève. Et ne laisse personne, surtout pas Babylone, t'empêcher de croire en ce qui fait toi un homme. Écoute ton être et va là où il te porte. Pense à ce que tu peux donner sans penser à ce que ça rapporte. Rappelle-toi contre le bien et le mal, seul le bien l'emporte. Écoute ton être et va là où il te porte. Pense à ce que tu peux donner sans penser à ce que ça rapporte. Rappelle-toi contre le bien et le mal, seul le bien l'emporte. Va vers ton destin et ce qu'ils disent peu importe. Il faudra être fort et toujours penser que l'amour supporte. Se rappeler que la roue tourne selon la manière dont on se comporte. Respecter son corps et l'âme qu'il transporte. La foi est une armure et la clé d'une grande porte. Avance et vis la vie, ne te laisse plus freiner par ce qui te ralentit. C'est le moment de se relever, de faire le tri, de faire le point sur les erreurs pour mieux repartir. Eh bien voilà les amis, cette émission est déjà finie, mais avant de vous dire au revoir, je tiens juste à passer un gros gros coucou aux Dominicaines de la rue Mably et une grosse dédicace à mon père qui m'écoute ce soir. Voilà, leur dire voilà que, bah que voilà, je les aime beaucoup et que vous aussi je vous aime, hein, chers auditeurs qui m'écoutent ce soir. Voilà, voilà, merci beaucoup vraiment de m'écouter tous les dimanches soirs à 21h. Et je vous souhaite sur ce vraiment une très très bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve dimanche prochain à 21h sur Fadjet. Salut tout le monde. Avance et vis la vie, elle va te vivre aussi. Yeah. Parce que toi et elle vous êtes liés.